Psaume 140. Psaume de David, donné au maître chantre. Éternel, délivre-moi de l'homme méchant, garde-moi de l'homme violent. Ils ont pensé des maux en leur cœur, ils assemblent tous les jours des combats. Ils affilent leur langue comme un serpent, il y a du venin de vipère sous leurs lèvres, c'est là. Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi de l'homme violent, de ceux qui ont machiné de me heurter pour me faire tomber. Les orgueilleux m'ont caché le piège, et ils ont tendu avec des cordes, un ray à l'endroit de mon passage, ils ont mis des trébuchets pour me prendre, c'est là. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu fort, Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Ô Éternel, Seigneur, la force de mon salut, tu as couvert de toutes parts ma tête au jour de la bataille. Éternel, n'accorde point aux méchants ses souhaits, ne fais point que sa pensée et son effet, il s'élèverait, c'est là. Quant aux principaux de ceux qui m'assiègent, que la peine de leurs lèvres les couvre. Que des charbons embrasent et tombent sur eux, qu'ils les fassent tomber au feu, et dans des fosses profondes, sans qu'ils se relèvent. Que l'homme médisant ne soit point affermi en la terre, et quant à l'homme violent et mauvais, qu'on chasse après lui jusqu'à ce qu'il soit exterminé. Je sais que l'Éternel fera justice à l'affligé, et droit au misérable. Quoi qu'il en soit, les justes célébreront ton nom, et les hommes droits habiteront devant ta face.